commander en ligne, mais faire vivre le commerce en vrai. C'est possible. Et ça s'appelle épicerie.com, avec un Y. La nouvelle application qui soutient les commerces et restaurants de proximité en vous livrant le meilleur de leurs produits dans l'heure. Commandez dès aujourd'hui auprès de vos commerçants lyonnais. Épicerie, vive le commerce vivant! Affaire sensible, la fiction, une série en 6 épisodes, 22 millions, inspirée de l'affaire Big Malion, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Baptiste Guitton, coordination Christophe Barrère. Aujourd'hui, dernier des 6 épisodes de la série 22 millions, l'histoire d'un scandale politique dont le nom Big Malion est le nom d'un dossier au parfum de magouille financière. Une affaire qui a quasiment tué un parti politique, l'UMP, devenu depuis les Républicains, qui eux aussi sont submourants en ce moment, mais pour d'autres raisons. En tout cas, le passé est là, et bien là. UMP, ces trois lettres que ceux qui ont appartenu à cette formation politique veulent oublier, tant cette enseigne évoque immanquablement des temps malheureux qui débutent un jour de mai 2014. En direct à la télé ce jour-là, les Français découvrent une escroquerie présumée de financement de campagne électorale. Dans ce 6e et dernier épisode, nous sommes au début de l'année 2016. Le service de police judiciaire spécialisé dans la délinquance financière poursuit son enquête sous la direction du juge Tourneur. Et des éléments nouveaux apparaissent. Des factures liées à la campagne de 2012 ont été purement et simplement escamotées. L'enquête s'est déroulée, le procès a eu lieu, et près de 10 ans après la présidentielle de 2012, 14 inculpés dont Nicolas Sarkozy ont été condamnés lors de l'audience du 30 septembre 2021. Après cet épisode marquant de la fin de notre série, nous recevrons Jérôme Lavrieux, lui-même ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé à l'UMP et acteur dans cette affaire de détournement de fonds, condamné à 3 ans de prison, dont un avec sursis dans ce dossier Big Malion. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Écrit par Vincent Hazard. Musique originale, Sébastien Quincé. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guitton. Dernier épisode, Les petits singes de la sagesse. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, Florence. Alors, c'est le grand jour. Ne nous emballons pas, mais je sens qu'on va pouvoir tirer quelques fils. J'espère. Dans cette affaire, les mises en examen me font penser aux 3 petits singes de la sagesse. Vous savez, ces 3 petits singes qui se cachent les yeux, les oreilles et la bouche. J'ai rien vu, rien entendu, et je ne dirai rien. C'est un signe de sagesse chez Confucius et visiblement aussi dans les affaires de corruption. Je vous en prie, entrez. Mais quand on est convoqué pour une confrontation, c'est toujours compliqué de rester zen. On va pas s'installer là quand même. C'est minuscule. Désolé, nous n'avons pas d'autres salles disponibles aujourd'hui. On a des techniques pour les auditions. Se faire passer pour un idiot est une bonne façon de flatter l'ego et de faire parler. Avec les cols blancs, ça marche bien. Et puis, il y a aussi le manque de confort, quand on est mal assis, quand on a chaud. À 10 dans un petit bureau, c'est marrant pour personne. On a envie que ça s'arrête. Alors on parle. Donc, pour vous, le cash aurait permis de payer une partie des frais sans laisser de traces. Évidemment, c'est de la diffamation. C'est pas moi qui décidais des dépenses à faire. Je n'ai imposé qu'une seule chose, en effet, qu'il n'y ait pas de cash pendant cette campagne. C'est-à-dire, monsieur Lavrieux? Je veux dire que... quand la campagne s'est terminée, certains militants sont venus me voir pour réclamer une prime en liquide, comme la dernière fois, quoi. Attendez, vous voulez dire comme la campagne présidentielle précédente, en 2007? Oui, absolument. Moi, j'ai refusé de verser quoi que ce soit en liquide. De toute façon, c'était pas prévu et on avait déjà plus d'argent. Maintenant, je me rends compte que le fait d'avoir refusé, c'est ce qui a causé ma perte. Oh, c'est absurde. Grotesque. Bien. Monsieur Lavrieux, étiez-vous au courant des factures d'agences publiques? Oui, on en a escamoté certaines dans les comptes. Vous les avez retrouvées, je crois. Oui. Nous avons trouvé ces factures payé par l'UMP d'ailleurs, mais qui aurait dû être imputé à la campagne. Monsieur Lambert, si Big Malion n'est pas la seule entreprise concernée, cela veut dire que l'escroquerie ne vient pas d'eux. Je sais pas. Cela m'a été dissimulé. Je pense que la mauvaise gestion a sûrement entraîné la panique au moment de rendre les comptes et que d'autres factures ont été éliminées au dernier moment. Pour le meeting du Bourget, la facture d'agence publique se monte à 1,5 million. J'ai ici le devis signé et elle a été payée. C'est bien une prestation qui n'était pas prévue au départ, en plus de celle de Big Malion. 1,5 million? Comment pouvez-vous valider une telle dépense supplémentaire qui fait doublon avec un autre prestataire, alors que vous savez pertinemment que vous avez atteint le plafond des dépenses? Monsieur Lavrieux, vous avez validé cette facture? Moi? Non, mais je l'ai vue après la campagne. Tout comme j'ai aussi vu toutes les factures de transport qui ont été enlevées des comptes de campagne. On faisait venir les militants par train entier. Les montants des factures SNCF se comptent en centaines de milliers d'euros. Et c'est l'UMP qui a réglé la note. Nous allons regarder cela. Messieurs Césari, Lambert et vous, Madame Liazze, vous avez quelque chose à dire sur les factures dont parle Monsieur Lavrieux? Je n'étais absolument pas au courant. Idem, je suis effaré. Monsieur Lambert, au vu des documents, des comptes rendus retrouvés chez vos avocats, chez les comptables, vous comprenez qu'il nous est de plus en plus difficile de croire que vous n'étiez pas au courant de la fraude? Enfin. Vous validez l'énorme devis d'agence publique à la mi-mars, alors que les comptables vous ont fait une mise en garde écrite. Enfin, ce n'est pas moi qui ai pris la décision. Mais alors qui a pris la décision? C'est le candidat. C'est Nicolas Sarkozy qui a tranché et décidé de faire appel à l'agence publique. Qu'est-ce que vous vouliez que je lui dise? Monsieur le Président, je suis désolé, mais cette dépense n'est pas raisonnable. Je ne pouvais pas faire ça. Personne ne peut parler au Président comme ça. Monsieur Césari, c'est bien vous qui avez rédigé ce mail, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. J'ai écrit ce message à l'attention de Guillaume Lambert et Jérôme Lavrieux en copie. Vous pouvez nous le lire, s'il vous plaît. Cher Guillaume, Jérôme et moi avons pris note du souhait du président de tenir une réunion publique chaque jour à partir de la semaine prochaine. Est-ce exact, monsieur Lambert, que le candidat Nicolas Sarkozy a changé ses plans et décidé d'augmenter le nombre de meetings à partir de ce moment-là? C'est exact. Le message est daté du 19 mars 2012, après la mi-mars. Alors que vous avez eu des réunions budgétaires de crise, que les comptables ont fait remonter une note d'alerte. Monsieur Lambert, vous étiez directeur de campagne. Vous comprenez que cela matérialise votre intention de frauder? Non, je n'ai jamais eu l'intention de frauder. J'ai transmis les messages d'alerte à monsieur Sarkozy. C'est lui qui a demandé à augmenter le nombre de réunions publiques. Malgré le fait que vous lui ayez transmis les messages d'alerte? Oui. Pour l'instant, ce n'est que parole contre parole. Ce que dit Lambert sur Sarkozy doit être aussi sujet à caution. Vous êtes d'accord, monsieur Tourneur? Évidemment, monsieur Van Runbeek, mais les faits sont là. En ajoutant toutes les factures hors Big Malion dont parlait Lavrieux, on atteint presque 29 millions d'euros de dépassement. C'est astronomique. Cela devient inconcevable qu'il n'ait pas vu un tel écart de budget. Ouais, des dépenses à hauteur de 49 millions d'euros au lieu de 22. Au minimum. C'est ce que nous avons trouvé pour l'instant. Par ailleurs, puisqu'on parle des déclarations de M. Lavrieux, le PV de la confrontation a été joint au dossier du financement des biens. Vous savez que Lavrieux a mentionné l'emploi de cash dans la campagne de M. Sarkozy en 2007. Le merveilleux monde de la politique française. Alors, en parlant de politique, je tiens à dire, pour ceux qui ne sont pas déjà au courant, que j'ai demandé à être dessaisi de cette affaire. Je prends ma retraite et je quitte la magistrature. Ah bon? Vous allez nous manquer, monsieur Leloir. Vous êtes encore jeune, pourtant. J'ai pas le choix parce que, justement, je vais entrer en politique. Allez, c'est une bonne nouvelle. La politique a besoin de gens droits comme vous. Je compte rejoindre l'UMP. Enfin, les Républicains. D'accord. Eh bien, bonne chance à vous. Je viendrai te chercher à la gare, si tu veux. Non, je vais venir en moto, c'est plus pratique. Puis j'arriverai tard, je resterai chez mon père. Bon, on se voit samedi, si tu veux. On dirait des collégiens qui arrangent un rencard. C'est un peu con, quand même, tout ça. Quoi, tu veux pas me voir? Bah si, mais... Mais quoi? Bah j'ai pas envie qu'on se voit juste pour tirer un coup. Oh là là, t'es con. C'est pas ça, hein. Qu'est-ce que tu racontes, là? Tu craques ou quoi? Non, mais on n'est pas si jeunes, quoi. Et puis, si t'as ta promotion, tu pourras choisir un poste qui te convient. Oui, c'est pas encore fait. Vu le boulot que t'as fait sur Big Malion, évidemment ta promotion va passer. Tu pourrais quitter Paris. Si je suis promu, ça sera pour rester ici. Elias, te fais pas un film, ok? Je vais pas rentrer. Ouais. Bon, c'est pas grave, de toute façon, peut-être c'est mieux qu'on soit pas au même endroit, c'est peut-être mieux comme ça. On a déjà essayé, ça a pas marché. Ce qu'on a là, c'est déjà bien, non? Pas besoin de se lancer dans autre chose. Tu veux quoi, des gosses maintenant? Mais non, je m'en fous, ce que je veux, c'est être avec toi. Eh ben, te prends pas la tête alors. Profite et on se voit samedi. Ok. On a épluché la comptabilité de l'UMP et on a bien trouvé un petit paquet de factures qui correspondent évidemment à des dépenses de campagne qui n'ont pas été déclarées. Vous voulez que je regarde de mon côté ? Non, ce ne sera pas nécessaire. On s'en occupe. Non, je voulais juste vous donner les dernières avancées. Et d'ailleurs, je ne vais plus vous déranger avec cette affaire. Pas du tout, vous ne me dérangez pas. En tout cas, merci. Hein. Merci de m'avoir tenu au courant, monsieur le juge. Mais je vous en prie, c'est normal. J'ai appris que c'était votre première fois en tant que chargé d'enquête. Eh bien, vous avez fait du bon boulot. Une enquête pour un policier, ça ne s'arrête jamais d'un seul coup. Quand le juge est saisi, c'est lui qui prend en main l'instruction. Une fois qu'il a mis en examen, c'est lui qui mène les auditions. On intervient de moins en moins. Quand l'enquête arrivera au bout, j'aurai sûrement perdu le fil. Et je replongerai dedans, l'espace d'un instant, en voyant le procès à la télé ou en lisant le jugement. Souvent plusieurs années plus tard. Parquet de Paris, bureau du juge Tournaire, 8 février 2016. Je ne comprends pas bien pourquoi nous devons reprendre toutes ces questions, messieurs. Monsieur Copé, on veut juste faire des vérifications. Vous êtes ici simplement en qualité de témoin assisté. Il nous semble quand même très bizarre qu'alors que vos collaborateurs étaient partie prenante dans une opération d'escroquerie de l'UMP, vous n'ayez pas été averti. C'est ce qui s'est passé, je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez, je n'ai rien d'autre à dire. Cela va faire 2 ans que je me bats pour laver mon honneur et ce genre de convocation n'aide pas. Je suis quand même celui qui a porté plainte avec l'UMP pour que l'on retrouve les coupables. Vous nous disiez que vous vous occupiez de la gestion au sens large de l'UMP. Et en 2012, justement, le parti a eu des gros soucis financiers. Oui, mais ces problèmes viennent de la mauvaise gestion de mes prédécesseurs. On a dû déménager le siège du parti pour réduire les dépenses. Vous avez fait des demandes de prêt auprès de plusieurs banques pendant la campagne et certaines ont refusé de vous prêter de l'argent. Oui, la situation était compliquée. On avait un gros déficit et Nicolas Sarkozy était mal parti dans les sondages. Les banquiers estimaient que l'avenir du parti était incertain. Mais vous avez quand même réussi à débloquer un prêt de 55 millions d'euros auprès de la Société Générale en août 2012. C'est exact. On a réussi à les convaincre en leur donnant suffisamment de garanties. Août 2012, soit 3 mois après la fraude de l'élection. À cette date, l'UMP avait déjà réglé les fausses factures de Big Malion. Et la demande de prêt, c'est vous qui l'avez défendue en personne ? Ah oui, justement. Pendant ces mois-là, j'étais surtout préoccupé par le redressement financier du parti. Je n'étais pas du tout sur les dépenses de campagne. D'accord, mais dans le bilan comptable que vous avez joint au dossier de demande, je vois une ligne de dépenses pour le moins surprenante. Meeting et manifestation UMP à hauteur de 27,11 millions d'euros. Enfin, vous savez à quoi cela correspond ? 27 millions d'euros de meeting du parti pour l'année ? Et là, c'est bien votre signature juste à côté. Oui, c'est ma signature. Mais ça ne veut rien dire. Je signais de toute bonne foi un bilan comptable que l'on m'apportait. Oui, mais vous saviez quand même que vous n'aviez pas pu faire pour 27 millions d'euros de meeting en cette année d'élection présidentielle. Oui, si j'avais vu ce montant, j'aurais sûrement tiqué. Mais pourtant, vous avez signé juste à côté. Vous me dites que vous avez demandé un prêt de 55 millions d'euros auprès de la banque pour éponger vos dettes. Mais qu'en même temps, il y avait 27 millions de fausses factures dans votre dossier de demande. Et vous ne l'avez pas vu ? Eh bien. Non, je ne l'ai pas vu. Ça change quelque chose ? Non. On note bien la réponse de M. Copé, c'est tout. Vous avez d'autres questions ? Non. Très bien. On a fini. On a fini. Entre nous, Monsieur Copé, la vérité, c'est qu'en admettant qu'on ait suffisamment d'éléments pour prouver que vous étiez au courant de la fraude, vous ne seriez que témoin de l'escroquerie. Rien ne prouve que vous ayez participé, et elle ne vous a pas bénéficié. On ne poursuivra pas toutes les personnes qui étaient simplement au courant. Bonne soirée, Monsieur Copé. Bonne soirée. En bref, pas de mise en examen pour Jean-François Copé dans l'affaire Big Malion relative au compte de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Il a été entendu pendant 6 heures tout à l'heure par un juge financier, mais sous le statut de témoin assisté, son avocat évoque l'immense soulagement de l'ancien président de l'UMP qui avait été contraint, rappelons-le, à la démission lorsque cette affaire avait éclaté. D'habitude, j'essaye d'oublier une affaire en me concentrant sur la suivante. Mais parfois, il y a des affaires qui vous lâchent pas. Comme un chewing-gum sous la chaussure. Tu lis quoi ? Le PV de Copé. J'ai l'impression qu'ils vont tous passer au travers. Mais tu te fais du mal pour rien. Il n'y avait pas grand-chose contre lui. Ouais, mais n'empêche. Sarkozy, c'est pareil. On parle de tricherie à l'élection présidentielle, quand même. Tu confonds responsabilité morale et pénale. La responsabilité morale, ça nous concerne pas. Non, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de ce qu'on fait. Ces mecs ont dépensé des sommes dingues, ils ont truqué des comptes, ils ont menti. Et je me rends compte que dans ce pays, ça passe. Les gens, ça les fait marrer, mais enfin, c'est notre fric, merde. Florence, t'as pas bossé pour rien. Les mentalités n'évoluent peut-être pas encore assez vite, mais toi, ton travail est reconnu. J'ai appuyé ta demande de promotion avec Romain. Tu le mérites, ton grade de capitaine. Merci, Gabriel. Gabriel et moi, on est différentes. Mais après presque 3 ans dans le même bureau, on a appris à s'apprécier. D'ici quelques semaines, je vais pouvoir officiellement prendre la tête d'un groupe. C'est déjà ce que je fais depuis l'affaire Big Malion, puisque je commande 7 personnes sur mes enquêtes. Mais sans en avoir la reconnaissance ni la rémunération. Avec le temps, j'ai compris la difficulté pour le juge d'instruction de décider qui renvoyer au tribunal parmi les mises en examen. Évidemment, il doit prendre sa décision en fonction du droit. Mais il y a des zones grises. Et si les charges ne sont pas suffisantes, sa réputation risque d'en prendre un coup en cas de non-lieu. Si le mis en cause est un politicien en vue, la pression est encore plus forte. Le renvoi n'est pas une décision qu'un juge peut prendre à la légère. Parquet de Paris, bureau du juge Tourneur, 16 février 2016. J'aimerais vous aider plus, mais j'ignorais même l'existence de Big Malion jusqu'au moment où le scandale a éclaté. Mais, monsieur Sarkozy, vous avez validé l'arrivée dans votre campagne de la société Agence Publique, l'agence de communication de monsieur Gérard Askenazy. Monsieur Askenazy est un ami. Peut-être que j'ai signé quelque chose, je sais pas. Plusieurs témoins nous indiquent que vous avez fait appel à eux après les premiers meetings parce que vous n'étiez pas satisfait du travail de Big Malion et vous les avez choisis personnellement. Ah non, je ne les ai pas choisis. Mon conseiller en communication les a recommandés. Oui, mais vous saviez qu'ils vous étaient loyaux et vous permettraient de garder un œil sur Big Malion. Mais je n'avais pas besoin de garder un œil sur Big Malion. Il en résulte que cette deuxième agence vient rajouter une facture de plusieurs millions sur vos comptes de campagne. Je ne m'occupais pas des montants. Votre directeur de campagne, M. Lambert, a déclaré vous avoir averti au moins oralement du dépassement, et ce, dès le mois de mars. Et malgré cela, vous avez validé cette dépense supplémentaire, et vous avez demandé de passer le nombre de meetings à 1 par jour, pour arriver à 45, alors qu'il n'y en avait que 15 de prévus au départ. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est idiot. En campagne, nous avons toujours fait plus d'une quarantaine de meetings. On n'avait jamais prévu d'en faire 15. Et on les a payés très cher. 13,7 millions pour les meetings. C'est 40% plus cher que ce qu'a déclaré Hollande pour le même nombre. Et vous n'avez à aucun moment pensé que vos comptes allaient dépasser le plafond ? À aucun moment. Je faisais confiance à mes collaborateurs. Monsieur le Président, je comprends que vous n'avez pas pris part à la fraude. Je ne vous mettrai pas en examen pour escroquerie, ni pour complicité d'escroquerie. Je vous remercie. Mais vous avez quand même enfreint l'article L112.1 du Code électoral. Je vais donc vous mettre en examen pour financement illégal de campagne électorale. Mais enfin, j'ai l'immunité au moment des faits. Vous n'avez pas le droit. Tout candidat ayant dépassé le plafond des dépenses électorales est passible d'une amende de 3750 euros et d'un emprisonnement d'un an. Cette peine s'adresse au candidat, pas au trésorier ni au parti, au candidat. Et cela, même s'il était président au moment des faits. Bon, très bien. Je vais en discuter avec mon avocat. Mais je pense que nous allons déposer un recours. Nicolas Sarkozy risque donc 3750 euros d'amende, un an de prison, mis en examen, oui, mais pas dans l'affaire Big Malion, cette entreprise de communication qui émettait des fausses factures présumées payées par l'UMP pour couvrir les dépassements du budget de campagne. Sur ce sujet, l'actuel président du parti Les Républicains est seulement témoin assisté. C'est ce que veut retenir son avocat, maître Maurice Herzog. À l'issue d'une longue audition, le juge d'instruction a considéré que le président Nicolas Sarkozy n'était pas concerné par l'affaire dite Big Malion, c'est-à-dire qu'il n'était pas concerné pour des faits de faux et usage de faux, c'est-à-dire les fausses factures faites pendant sa campagne électorale, qu'il n'était pas concerné par les faits d'escroquerie au préjudice de l'État, qu'il n'était pas davantage concerné par les faits d'abus de confiance au préjudice de l'UMP, c'est-à-dire les factures considérables qui ont été faites. Cette affaire Big Malion est donc le concernant, une affaire qui ne le concerne pas, comme il l'avait toujours dit. Le juge Tourner va renvoyer les 14 mises en examen au tribunal, dont Nicolas Sarkozy. Il a l'appui du parquet. Après Copé, je ne pensais pas qu'il oserait renvoyer Sarkozy. La qualification de l'infraction est mineure. Je me dis qu'aucun tribunal ne condamnera un président pour un tel motif. Ce fut l'échec de trop pour Nicolas Sarkozy. Hier soir, humilié par les résultats de la primaire, le patron des Républicains a décidé de prendre du champ avec la vie politique. L'ancien chef de l'État croyait pourtant en ses chances de reconquête de l'Élysée 5 ans après son départ. La case primaire aura mis un terme aux ambitions politiques de Nicolas Sarkozy. Difficile d'imaginer un retour sur le devant de la scène en 2022. Je ne me réjouis pas de la défaite de Sarkozy. J'ai rien contre lui, mais j'ai l'impression que l'élection de Fillon montre que les électeurs LR ne veulent plus de magouilles. Fillon a gagné parce qu'il se présentait comme un candidat honnête. Avec lui, les LR vont peut-être tourner la page des affaires qui leur pourrissent la vie. Vous vouliez me voir ? Asseyez-vous, Florence. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Votre passage au premier échelon du grade de capitaine a reçu un avis défavorable. Pour cette fois-ci. Ils ont dit pourquoi ? C'est prématuré. On vous donne un échelon à la fin de l'année, et l'année prochaine, vous pourrez passer capitaine. On m'avait pourtant prévenu. Il n'y a pas d'avancement avec les affaires de corruption. Les stupes, la crime, quand ils ont une belle affaire, ils obtiennent une gratification ou un avancement. Nous, une belle prise, c'est des hommes politiques, des hommes d'affaires, des puissants. Ces gens-là font toujours un peu peur à la hiérarchie, même quand ils ont été pris la main dans le sac. Du coup, on ne veut pas te récompenser, au cas où le vent tourne. Tout ça pour ça. Oui, entrez. Ah, monsieur Van Drunbeek, vous avez pu lire ma proposition d'ordonnance de renvoi ? Bien sûr. Je pense qu'on a effectivement assez d'éléments graves et concordants pour renvoyer pour faux, usage de faux, abus de confiance, tentative d'escroquerie, complicité et recel de ces délits, les représentants de Big Malion, les cadres de l'UMP, les comptables et même les responsables dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Guillaume Lambert, Philippe Blanchetier et Philippe Briand. Voilà, mais je ne suis pas d'accord pour renvoyer le candidat lui-même au tribunal. Ah, vous ne pensez pas qu'il faille renvoyer Nicolas Sarkozy ? Non, je ne le pense pas. Mais le parquet soutient cette décision. Vous êtes au courant que la chambre d'instruction a validé la mise en examen et rejeté la requête en nullité de son avocat. Le recours portait sur le fait qu'on ne peut juger M. Sarkozy deux fois pour les mêmes faits. Il avait déjà été condamné à payer des pénalités pour un dépassement de sa campagne de 130 000 euros. Mais la Chambre a rejeté en bloc ce recours. Je ne parle pas de ce recours. Ce qui me dérange, c'est l'absence de preuves qui attestent de son intention de frauder. Mais enfin, vous plaisantez ? Il aurait fraudé par inadvertance ? Non, pas par inadvertance. Mais il peut plaider l'impréparation. L'incompétence n'est pas illégale. Il n'aurait pas vu que les conséquences de ses décisions menaient à la fraude. Mais non. Enfin, pas vous, monsieur Van Drunbeek. Enfin, pas vous. Je pense que vous allez commettre une grosse erreur. Mais enfin, le parquet me soutient. Relisez le réquisitoire. Relisez les rapports. Vous connaissez monsieur Sarkozy. Vous pensez vraiment qu'il aurait laissé filer les dépenses sans s'en rendre compte ? Enfin, ça n'était pas sa première campagne. Nous avons des documents, des comptes rendus qui montrent qu'il était tenu informé, au moins dans les grandes lignes. Je sais, mais Nicolas Sarkozy est un homme intelligent. Et si vous n'avez pas assez de preuves, vous vous ferez retoquer au tribunal. Un non-lieu de plus, comme dans l'affaire Bettencourt, salirait l'image de l'institution judiciaire. Non, vous perdez le sens commun. Nous avons un dossier solide. Vous voulez prendre un gros risque pour une peine avec sursis ou une petite amende ? Il aura beau jeu de crier à l'acharnement judiciaire. C'est une peine qui aura un impact symbolique très fort. Ce sera une première dans l'histoire de la Ve République et ça va créer une jurisprudence bénéfique pour les pratiques électorales. Vous vous prenez pour un redresseur de tort. Vous allez vous planter. Les enquêteurs pensent le contraire. Le parquet pense le contraire. La chambre d'instruction a validé. Je suis prêt à prendre le risque. Leurs caractères sont diamétralement opposés. Leur dispute me rend triste, parce que j'aime bien ces deux juges, finalement. Renaud Van Ruynbeck est l'un des premiers juges d'instruction à s'être attaqué au pouvoir politique dans les années 80. Il est très respecté pour ça. Mais aujourd'hui, à la veille de sa retraite, on dirait qu'il hésite. Le juge Tournaire, lui, veut foncer. Maintenant que le juge Leloir est parti faire de la politique, c'est un contre un pour l'ordonnance de renvoi. Si Van Ruynbeck refuse de signer, je sais pas trop ce qui va se passer. Direction de l'Office anticorruption, Nanterre, 12 février 2017. Je reviens du parquet. L'ordonnance a été validée par la chambre d'instruction. Tu vas la voir, ton procès Big Malion, Florence. Ah bah voilà. Sarko. Ouais. Van Ruynbeck est signé. Non, mais vu que Tournaire est le premier juge saisi, légalement, il n'a pas besoin de seconde signature. Et ça a été validé. Va y avoir procès. Tu vas y aller? Je sais pas. Je crois pas. Enfin, je veux dire, pas forcément pour témoigner, mais quand même comme spectatrice. C'est le président qui a contribué à renvoyer au tribunal, quand même. C'est pas tous les jours. Va y avoir un non-lieu. Tu fais ta blasée, là. Tu peux pas louper ça. Je suis sûr que Romain te laissera un jour de congé, au moins pour le jugement. Kader, en fait, Florence, le spot, il y a un truc. Quoi? Elle sera plus là au moment du procès. Surtout s'ils font traîner encore des mois avec leur recours, ça peut prendre encore du temps. Tu pars? Ouais. J'allais vous en parler officiellement, hein, mais... Je vais repartir dans ma région, d'ici l'été. Merde. J'ai décroché un poste dans un service interrégional spécialisé dans les fraudes des technologies de l'information. Ouais. Les collègues vont me manquer. Je suis français justiciable le plus interrogé depuis 4 ans et demi. Mes téléphones ont été écoutés. J'ai eu 4 perquisitions. J'ai été interrogé 91 heures de suite par différents juges d'instruction. Et à l'arrivée, rien. Cela fait des années que ces affaires traînent et les policiers ne trouvent rien. On a bouclé l'enquête en 18 mois. On est en 2019. Si l'affaire traîne, c'est que depuis 3 ans, M. Sarkozy et la défense de l'équipe de campagne posent des questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. À chaque fois, le Conseil met 6 mois, 1 an à répondre. Et jusqu'à présent, ils rejettent tous les recours. Leur tactique, c'est gagner du temps, nier en bloc jusqu'à l'absurde, en espérant que le temps fasse oublier l'affaire. Ils ont un peu raison. Les gens oublient vite. Mais pas la justice. L'actualité judiciaire nous emmène aussi au tribunal correctionnel de Paris, condamné en mars à 1 an de prison ferme et 2 avec sursis dans l'affaire des écoutes. Nicolas Sarkozy va retrouver ce tribunal correctionnel en ce printemps 2021, car le procès de l'affaire Big Malion commence aujourd'hui. Justice, car aujourd'hui s'est ouvert le procès Big Malion dans lequel Nicolas Sarkozy est mis en cause. Cinéma, théâtre, procès Big Malion, pas de doute, le monde du spectacle est ouvert. Monsieur le Président, mise en cause pour financement illégal de campagne, mais pas pour le système de fausses factures. Viens voir. Les autres accusés. En tout cas, Nicolas Sarkozy s'est défendu avec véhémence, l'Aurélie Carive. Près de 5 heures d'interrogatoire durant lesquelles Nicolas Sarkozy, tantôt ironise, tantôt vocifère. Ça me fait bizarre de les voir à la télé. C'était il y a déjà 7 ans. Une vie. J'ai l'impression un peu bizarre d'avoir laissé une opportunité derrière moi, d'être revenu en arrière en m'installant ici. Mais ce que je vois sur l'écran me confirme que j'ai fait le bon choix. Nicolas Sarkozy n'a donc rien vu, rien su des dépenses qui explosaient, absorbées par ses fonctions de président et de candidat. Tous les jours, les petits singes de la sagesse sont tous passés à la barre. Il continue de nier. C'est un spectacle affligeant. Dans cette affaire, il y a des gens qui se sont fait rouler dans la farine. Bon, allez, éteins la télé, hein, on va faire un tour en moto. Pourquoi faire ? Allez, comme ça, pour une fois qu'on a des RTT, on va pas rester enfermé. Ok. Nicolas Sarkozy reconnu coupable et condamné à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique pour financement illégal de campagne électorale, une peine plus lourde que les réquisitions du parquet. L'avocat de l'ancien chef de l'État s'est présenté seul ce matin au tribunal correctionnel de Paris. Il annonce faire appel. Tous les autres prévenus, 13 au total, ont été condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans et demi de prison, dont une partie de sursis. On est à 6 mois de l'élection présidentielle, c'est forcément quand même un avertisseur, un klaxon pour les gens qui rentrent en campagne électorale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on peut condamner à 1 an de prison ferme un ancien président de la République, aussi important que Nicolas Sarkozy, ça veut dire qu'on peut condamner tout le monde. Donc ça, je pense que c'est les candidats vont bien l'entendre. Et puis parfois, une décision de tribunal vient valider ce en quoi on croit en tant que flic. On se dit qu'on a peut-être bien fait son boulot, qu'on n'est pas là pour rien et qu'on a été un peu utile à la société. Vous venez d'entendre 22 millions, écrit par Vincent Hazard. Une réalisation de Baptiste Guiton. Sixième épisode. Avec Tiffaine Davio, Johanna Nizard, Bruno Raffaelli, Éric Caruso, Quentin Bayot, Eddy Chignara, Pauline Moulin, Bernard Gabet, Didier Brice, Charlie Nelson, Oscar Kopp, Bruno Pavio, Alain Fromager, Mohamed Rouhabi et Nadir El Arabi. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Étienne Collin. Assistante à la réalisation, Aurélie Miermont, avec l'aide de Maxime Pambet. Coordination, Christophe Barrère. Attaché de production, Rebecca Denant. Sensible. Fabrice Drouel. Bonjour Jérôme Lavrieux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez donc été directeur de cabinet de Jean-François Copé à la présidence de l'UMP, puis directeur adjoint de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012, de 2014 à 2019. Vous avez été député européen et vous êtes aujourd'hui retiré de la vie publique, totalement. Ben, je loue des gîtes. Vous louez des gîtes? J'entretiens des gîtes et puis j'ai une activité, mais totalement accessoire, de consultant. Où je donne des conseils à ceux qui me font l'honneur de m'en demander. Alors, dans le livre que vous avez écrit, intitulé « Pour une fois, il n'y avait pas d'argent liquide », on reviendra sur le titre, dont c'est chez l'Archipel, vous commencez par ces phrases. « Durant 25 ans, j'ai été un homme de l'ombre. Le grand public a découvert mon existence le 26 mai 2014. Ce jour-là, devant des millions de téléspectateurs, j'ai reconnu mon implication dans un système de fausses factures destiné à masquer le dépassement des frais de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Une pratique totalement illégale, mais qui n'avait donné lieu à aucun détournement d'argent. Dire la vérité a fait de moi un paria au sein de mon ancien parti. Expliquez-nous cet aveu s'il était si périlleux. En fait, pour se remettre dans le contexte de l'époque, il y avait deux thèses qui s'opposaient. Soit le fait qu'un parti ait épongé le surplus de dépenses. On peut dire comme ça. Et l'autre thèse qui était celle avancée pour se défendre par l'entourage de Nicolas Sarkozy, c'est dire « mais moi j'y suis pour rien ». C'est des gens qui ont détourné de l'argent à leur propre profit. Ce qui m'était totalement insupportable. Le côté enrichissement personnel, voilà. Ça vous ne supportiez pas. Je ne le supporte toujours pas d'ailleurs. Donc à un moment, je me suis dit que... Puisqu'il y avait les articles de Violette Lazare qui avait découvert le poteau rose, qui avait clarifié les choses. Je voyais que la vérité se rapprochait. Et je me suis dit, mais quitte à mourir avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour de ça... au moins professionnellement, politiquement, socialement, autant le faire en essayant de dire sa vérité, qui n'est pas reluisante, hein. Ce n'est pas un acte d'héroïsme du tout, mais de dire les choses. Personne ne m'a cru à ce moment-là. Je m'en suis pris plein la gueule. J'ai eu une chance inouïe, c'est que je suis tombé sur des policiers, c'est toujours de bon ton de les critiquer, et des juges, un juge notamment, le juge Tournaire, qui ont fait leur travail long, minutieux, vérifiant, contre-vérifiant, revérifiant les faits et qui ont abouti à confirmer exactement ce que je dis sur le plateau de votre consoeur Routel Krief ce jour de ma mort sociale. Pour une fois, il n'y avait pas d'argent liquide. C'est le titre de votre livre, un titre, c'est jamais innocent, ça envoie un message fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces valises de billets, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans l'enregistrement personnel, on ne clique pas des billets dans la caisse, pour parler de façon simple. Mais en plus c'est une vérité historique ce que je dis avec ce titre. Je vous rappelle que le financement légal, encadré des campagnes électorales, date de 1995, la première présidentielle. Avant, et on dit toujours que le général de Gaulle était très honnête, il a mis un compteur à l'EDF, à l'Élysée. Personne ne s'est jamais intéressé à enquêter comment il finançait ses campagnes électorales. D'accord. Puis 95, il y a des lois. Toutes les campagnes de 95, sans exception, on verra celle-là qui est en train de se terminer, ont fait ou sont toujours l'objet d'enquêtes et de procédures judiciaires. Moi, j'étais pas dans celle de 95, j'étais pas celle de 2002, j'étais pas dans celle de 2007, où Nicolas Sarkozy fait l'objet d'une procédure, puisqu'il est mis en examen pour association de malfaiteurs, dans le cadre de cette affaire. D'accord. Moi, j'étais dans celle de 2012. Alors, justement, mais on peut et la différence avec toutes ces enquêtes, c'est que là, il n'y a aucune suspicion, parce que les juges ont fait leur travail, de valises de billets, d'enveloppes, de transferts, voilà. D'accord, donc ça, c'est ok, c'est clair, mais enfin, vous n'êtes pas dit quand même, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, ces trucs-là, ça ne marche plus, quoi, ces financements occultes, ça ne marche plus, d'autres ont été épinglés depuis des années, il faut changer de paradigme, et non. Il faut. Vous aviez continué comme ça, comme avant. Parce que, pas comme avant, parce que j'y étais pas avant. Oui, d'accord. D'accord, j'ai le dos large, mais à un moment... Pas comme avant vous, mais comme avant les autres, je veux dire. Parce que quand vous êtes passionné de politique, vous faites ça depuis que vous êtes militant de base, vous n'avez pas fait le cursus honorum habituel, quand on vous dit tu vas participer à une campagne présidentielle, que vous êtes près du soleil, vous vous faites aveugler, parfois vous prenez un gros coup de soleil sur la tronche, ça brûle. Mais sur le moment, il y a plein de gens intelligents qui m'ont expliqué depuis que s'ils avaient été à ma place, ils auraient tiré la sonnette d'alarme. Il y en a plein. Mais sauf qu'ils n'étaient pas à ma place. Et que sur le moment, on me demande d'organiser un, puis deux, puis cinq, puis dix, puis... Vous savez, je sais qu'on fait 44 meetings, que quand on a fini le 43e, qu'on m'en demande d'en faire un 44e. Est-ce que vous n'y avait pas un plan caché ? Non, j'entends bien, mais est-ce que vous vous dites, les autres, ils vont vont faire la même chose si nous on fait pas la Moi je me dis que j'ai un candidat qui sait ce qu'il veut faire et que s'il me dit qu'il faut organiser 20, 30, 40, 44 meetings, j'ai jamais vu. Et ça aurait pu être pire, hein, puisqu'il a été retrouvé dans le dossier par le juge Tourneur des mails où le directeur de campagne, le préfet Guillaume Lambert, qui me donnait les ordres, envoie un mail à deux personnes, dont moi, pour dire que le président, mi-mars, pour dire le président vous demande d'accélérer, d'organiser désormais un meeting par jour. Et le président en question, il ne demande pas combien ça coûte? Bah, en tout cas, il n'a pas demandé à moi. Ouais. Mais il a peur dans l'affaire que il a eu des notes des experts comptables dès début mars pour lui dire qu'on allait dans le mur. Note que l'enquête a démontré que je n'ai pas eu. Je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Les contes s'embrouillent, les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous. Condamné à 3 ans de prison, dont un avec sursis. Vous avez... On peut dire deux fermes. Hein. Deux fermes, ça revient à deux fermes. Oui. Alors vous avez annoncé votre intention de faire appel, mais vous avez déclaré, après l'audience de septembre 2021, mon état d'esprit était d'arrêter tout ça, de payer pour la faute que j'ai commise et que j'assume, mais je pense que je vais être dans l'obligation de faire appel. Donc vous avez fait appel, pourquoi? En fait, pour un problème technique, c'est que si moi je ne faisais pas appel, c'est les procureurs qui faisaient appel pour moi. Donc je me retrouvais au procès quand même. Ouais. Donc je préférais jouer franc jeu, faire appel. Et puis après une nuit de réflexion, je me suis dit que si jamais j'étais absent de ce procès, je serais cloué au pilori parce que ça arrangerait tout le monde. Donc autant leur faire plaisir et y aller. Est-ce que si je vous dis que tout ça c'est un système mafieux, est-ce que le mot est trop fort pour vous? Est-ce que vous l'acceptez? Alors moi je l'accepte pas parce que la mafia, l'objectif de la mafia c'est son enrichissement personnel permanent. On revient toujours à ça. Les... Ah, je suis désolé. Mais c'est important. Non mais il me reste rien. Hein. C'est important. Moi il me reste pas grand chose, sauf le fait de n'avoir pu prouver que je n'avais pas mis moi les mains dans le pot de confiture. Donc on se contente de peu dans mon état, mais je désolé, vous le couperez au montage, mais je tiens à ça. Mais non, on ne comprend pas le montage. Non, mais je le sais, sinon je ne vous le dirai pas. Alors, vous devenez quand même un paria au sein de votre propre parti, donc je ne vais pas vous demander ce qu'on ressent dans ces cas-là, parce que j'imagine. Comment vous expliquez ça, ce manque de solidarité? Ah, c'est lui, là, c'est lui. Mais ça a toujours été comme ça. Mais vous le saviez avant, pourtant? Bah oui. Bah oui. Mais quand vous en avez un qui l'ouvre, il est éliminé, vous savez. C'est un monde qui tourne sur lui-même. très concrètement, Copé vous parle plus ? Non, on se voit. Vous voyez quand même ? Oui, ouais. Il a continué depuis. D'accord. Non. Question relations humaines, il y a eu bien pire que lui. Qui vous a lâché complètement ? Des centaines de personnes, je pense qu'on n'a pas le temps d'en faire la liste. Mais parmi ceux qu'on connaît ? Beaucoup de gens pour qui j'ai aidé. Mmh. Voilà. Je vais vous faire une confidence. Plus le temps passe, plus des gens retrouvent mon téléphone. Et donc ? C'est drôle, hein ? Voilà. Un petit plaisir de la vie. Alors, il y a quelque chose qui choque aussi, c'est le fait qu'une société privée gère des comptes publics, et on le voit aujourd'hui même, d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que les Françaises et les Français n'aiment pas, trouvent contre nature. C'est-à-dire que Big Malion, oui, ce soit des sociétés privées. Mais parce que c'est des prestataires. Vous savez ce qui est arrivé, Big Malion, en fait, l'erreur de Big Malion, c'est que ça a un nom à faire la une des c'est vous qui êtes un homme de théâtre aussi. C'est l'idéal pour faire un titre. C'est vrai. D'ailleurs, si on était respectueux de la réalité du dossier, moi quand je suis arrivé au tribunal en mai-juin. Puis le 30 septembre, le jour de la Saint-Jérôme, quand le verdict a été rendu, c'était ma fête ce jour-là. Ah oui, Jérôme Lavrieux. Il n'y a aucune affiche dans le tribunal de Paris, c'était l'immense tour en vert, marquée « Affaire Big Malion », »,« Procès Big Malion ». C'est marqué « Procès des comptes de campagne de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2012 ». Ils avaient rajouté la date, c'était sans doute qu'on ne confonde pas avec l'affaire de 2007. Mais judiciairement, juridiquement, ça n'existe pas l'affaire Big Malion. C'est l'affaire des comptes de campagne. Mais bien entendu, puisque tout ce qui a été payé à Big Malion, que ce soit par le compte de campagne ou par le parti politique, a correspondu à des dépenses réellement faites pendant la campagne électorale. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé des factures de fournisseurs de chaises, de sono, de lumière. Donc il n'y a pas eu de fausses prestations. Il y a eu des fausses factures, puisque c'est des factures qui ont été adressées à l'UMP. Donc pas d'emploi fictif, pas de fictif ? Pas de fictif dans la réalité de la dépense. Mmh. L'entreprise a d'ailleurs, il y a eu une expertise judiciaire demandée par le juge Tournaire, qui a été contestée par Guillaume Lambert, par Nicolas Sarkozy et le reste de l'orchestre, qui ont obtenu une contre-expertise avec un autre expert, qui aboutit à des chiffres encore mieux. C'est que le taux de marge brute de cette entreprise, taux de marge brute, c'est ce qui vous permet de financer votre personnel, de payer la TVA, vos impôts, etc. Elle était inférieure de 2 points au prix moyen du secteur. Donc il n'y a pas eu de surfacturation. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir trésor de guerre. C'est que derrière la facture de Big Malion, qu'elle ait été réglée par le parti ou par la compte de campagne, il y a des milliers de chaises. Il y a des dizaines. Zénith, de tout ce que vous voulez. Oui, mais si on n'est pas, ça, on les retrouve. Si on n'est pas sur le paiement de missions fictives, on est quand même dans un système de fausses factures. On est bien d'accord. En fait, il y a des fausses factures pour tout ce qui ne pouvait pas rentrer dans le compte de campagne, qui a été facturé à l'UMP avec des intitulés complètement bidons. Pour éviter le dépassement. Pour éviter le dépassement. D'accord. Et puis surtout pour payer une entreprise qui avait avancé l'argent. Vous décrivez dans le journal Le Monde. Je vous cite, l'engrenage illégal de cette campagne 2012, et vous ajoutez, à la fin, il ne reste plus que les ploucs de service. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Voilà, c'est ceux qui se font les ploucs de service, c'est ceux qui ne sont pas recasés. C'est-à-dire ? C'est ceux qui, pour vivre maintenant, je vais vous quitter, je vais, à la fin de cette émission, je vais prendre mon train pour rentrer en Dordogne et je vais aller nettoyer les salles de bain, parce que j'ai des gens qui arrivent dans mes gîtes demain. Voilà, c'est ça le plouc de service, c'est moi. Qui était au courant de l'existence de ce dépassement et de ce système de double facture ? Vous-même, comme Fabienne Liadze, vous déclarez qu'Éric Césari, un proche de Nicolas Sarkozy, celui qu'on appelle l'œil de Moscou, savait tout. Il y avait ceux qui savaient, puis ceux qui ne savaient pas. Si on considère qu'il y a eu un jugement, même s'il n'est pas définitif, puisque la plupart, pas tous, mais la plupart ont fait un appel. Si je me base sur ce jugement, tout le monde, au moins 14 personnes, puisque c'est ce qu'a dit la juge. Mon avis personnel n'a que peu d'intérêt. Il y a 2 avis qui comptent. C'est ceux qui ont été renvoyés auprès du tribunal suite à l'enquête, avec une ordonnance de renvoi qui fait des dizaines de pages. Moi, j'occupe que 4 pages sur les dizaines de pages. Je fais mon maximum, mais j'occupe que 4 pages. Et puis après, il y a le jugement qui a été rendu par un tribunal composé de 3 personnes. Et ils ont statué, c'est pas moi qui l'invente. C'est la vérité judiciaire pour l'instant, provisoire, c'est celle-ci. D'accord. Et comment vivez-vous le fait que ce nom de Jérôme Lavrieux ait été le plus cité, qui se retrouve au cœur de l'affaire, quand vous expliquez que les responsabilités sont collectives, partagées, et c'est vous? Parce que je ne me suis pas planqué. Parce qu'il y en a que vous croisez le directeur de campagne, le préfet Guillaume Lambert, qui doit toujours être préfet d'ailleurs. Vous ne le reconnaissez pas. Vous savez, il y en a qui ont un don pour être passe-muraille. Moi, j'ai décidé ce jour-là d'assumer les choses. Ce que je ne supportais pas, c'est que le lendemain, le mardi, il y allait y avoir un bureau politique au cours duquel mon patron, Jean-François Copé, l'homme pour qui je travaillais, allait être exécuté par ses petits camarades de jeu. On se souvient. Hein. D'accord. Sur le prétexte de dire qu'il avait piqué de l'argent dans la caisse. Ce qui n'était pas vrai. D'ailleurs, je vous rappelle que Jean-François Copé n'est pas mis en examen dans cette affaire. Mmh. Et moi, j'y vais. Je me flingue en faisant ça. Mais j'ai une forme de loyauté vis-à-vis de lui et je dis la vérité. Il m'a rien demandé. Il l'a découvert à l'antenne. Mmh. Je dis la vérité. Quand je le dis, ça n'est que ma vérité. Faut être sûr de soi, hein. Oui. Parce qu'il faut avoir confiance dans la justice, qu'elle fasse son travail. Ce qui apparemment était le cas. Voilà. Pas vous le dites. Mais ça m'a pris des années. Jérôme Lavrieux, merci infiniment. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Pour une fois, il n'avait pas d'argent liquide à l'archipel. Et le sous-titre est intéressant, Au cœur du système Big Malion. Merci, au revoir. Merci à vous. Step back from a light of fire. C'était donc le dernier épisode de cette fiction Big Malion. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la réécouter ou la découvrir en podcast, évidemment.